pense que je vais expliquer, qui n'ont pas été expliqués, qui n'ont jamais été expliqués, et qui demandent... là, vous m'entendez certains, oui. Quand je m'entends, c'est parce qu'on m'entend. Et qui demandent de l'attention de votre part. La question fondamentale, c'est toujours qu'est-ce que vient foutre l'humain sur le plan planétaire? Et pourquoi plus il y a des êtres humains qui comprennent et qui se conscientisent, plus il y a d'humains qui ne comprennent pas et qui involuent? Et pourquoi aussi, plus l'humain se conscientise, plus il y a de forces astrales, lucifériennes ou sataniques, qui ont une tendance à vouloir grimper sur le dos des conscientisés? Tous les apocalypses de Jean de Patmos à Nostradamus parlent d'un apocalypse, parlent d'une fin des temps relativement bouleversée, parlent d'épidémie, parlent de guerre, parlent de fléau de Dieu. Le fléau de Dieu, c'est le fléau d'un Dieu qui n'a pas été créé par l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'homme, comme tous les dieux de toutes les religions, mais bien d'un Dieu qui fait partie des plans spiritiques, dont le plus bas de ses paliers est le plan supramental, qui, de par sa nature, est extraterrestre. Il fut un temps où le plan astral était extraterrestre. Alors, lorsque l'astral a été terrestrifié, ceux qui ont eu le premier le contact avec ces plans ont appelé ces formes astrales les anges et les archanges. Lorsque les formes astralisées sont terrestrifiées, l'astral appartient au plan planétaire, le monde du ciel est créé, le monde de la mort est constitué, et l'âme est intégrale à la Terre. Ce n'est plus extraterrestre, c'est terrestre. Lorsque le plan mental est apparu, l'humain qui a eu le contact avec le plan mental a parlé d'intelligence, il a parlé de Melchisedec. Il a parlé aussi d'Esprit Saint, un peu. Mais le plan mental a été, lui aussi, d'extraterrestre terrestrifié. Alors le plan mental n'est plus extraterrestre, il est terrestre. Le palier suivant, le plan suivant auquel l'humain doit se fusionner est le plan supramental, le plan de l'esprit. Et ce plan de l'esprit fera de l'homme un être extraterrestre. Un être extraterrestre, cela ne veut pas dire que ce sera un être humain qui volera dans un vaisseau spatial. Parce que sachez qu'entre moi et vous, il faudra comprendre un jour que les vaisseaux spatiaux sont comme les Volkswagen. Il y a beaucoup mieux. L'humain peut rêver de guerre des étoiles comme dans les films. Mais l'humain est appelé à quelque chose de beaucoup plus puissant que de voyager dans des vaisseaux majestueux, grandioses et puissants. Amenez-moi n'importe quel vaisseau spatial, sorti de votre imagination, de vos rêves, des films ou des tendances, et je pourrais vous montrer quelque chose de drôlement plus puissant qu'un vaisseau spatial. Parce qu'il faut bien comprendre que les vaisseaux spatiaux sont capables de naviguer parce qu'ils sont soutenus par quelque chose. Ils sont régis par la mécanicité énergétique de la synergie et de l'amour. L'être humain n'est pas voué à devenir un mental, un mentat ou un mentor. L'être humain n'est pas voué à rester prescient. La prescience, on l'a déjà vu, est une phase évolutive et palliative entre celui qui développe un mental très grand et celui qui n'a pas encore la possibilité d'avoir un contact supramental pur. Alors lui devient intellectuellement intelligent, c'est-à-dire qu'il devient hyper-mental et non pas supramental. Celui-là pourra envisager la construction de vaisseaux spatiaux, la construction de navettes, la construction de laboratoires, la construction de bases sur d'autres planètes. Mais c'est mauditement plus facile si on va sur une autre planète de carrément s'adapter aux conditions de vie de la planète. On n'a pas besoin de construire des bases particulières. Et c'est beaucoup plus facile de voyager d'une planète à une autre ou d'une galaxie à une autre par un transport séraphique plutôt que de voyager dans des transports matériels. Le transport séraphique est un transport énergétique d'ordre vitalo-supramental. La première partie, disons, que ce que vous connaissez du transport séraphique, c'est le voyage du monde astral, le voyage de l'âme, le rêve. C'est un transport séraphique, mais dans le monde des morts. Donc, dans le plan qui est légiféré, régi, orchestré, par ce qui est planétaire. Mais l'être humain est voué à quelque chose de beaucoup plus grandiose. Lorsque le plan supramental touche l'être humain devient un extraterrestre. Cela veut dire que l'être humain a une conscience qui n'est plus régie par le plan terrestre. L'être humain a une conscience qui vient de l'au-delà de la Terre. L'être humain a une conscience, donc extraterrestre. Mais cela n'a rien à voir avec les extraterrestres que nous connaissons à l'échelle de la Terre. Ces extraterrestres sont conçus pour l'homme, à l'image et à la ressemblance de l'âme et de l'imagination de l'homme. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité extraterrestre. Il y a quelques problèmes, n'est-ce pas, à avoir un micro. Peux-tu m'amener quelque chose pour couper, sinon je risque de briser des choses. Dans l'étape actuelle de l'évolution de l'homme, certains humains sont appelés, et lorsque je veux dire appelés, certains humains sont attirés. Et lorsque je parle d'attirer, je veux dire manipuler. Ces humains sont donc manipulés. Coupe pas le son. Ces humains sont manipulés à évoluer. Merci. Manipuler et vouloir, ou manipuler à évoluer. Vous remarquerez que le tableau était placé déjà avant que vous vous asseyiez, alors ceux qui se sont assis trop par là, il faudrait peut-être déménager de place. La Terre, elle tourne autour d'un soleil. Elle tourne. Le soleil voyage dans la galaxie. Cette galaxie porte un nom, la Voie lactée. Une galaxie qui a une forme relativement conventionnelle. La planète Terre est aux confins de notre galaxie autour du Soleil et elle tourne en se rapprochant graduellement du centre de la galaxie qui porte un nom astronomique de Apex. Du centre de la galaxie apparaît un faisceau d'énergie qui porte le nom supramental. De cette galaxie, ce faisceau d'énergie circule. La galaxie est ronde, donc il circule partout. Le plan terrestre étant l'un des plus éloignés, il est l'un de ceux qui reçoit cette énergie vers la fin de la consistance énergétique supramentale. Lorsque l'énergie supramentale dépasse le plan terrestre, si on regarde cette géographie astronomique, lorsque le plan supramental, lorsque l'énergie dépasse le plan terrestre, solaire terrestre, il est involué et devient de la matière un peu plus loin. D'où l'intérêt des forces supramentales d'être bloquées par le plan terrestre, parce que dans cette galaxie, il n'y a qu'une seule place où l'énergie supramentale peut être empêchée de devenir matière, c'est sur la Terre. L'énergie est attirée comme l'humain est attiré. Donc, partout dans la galaxie, on n'a presque pas de fusion supramentale. On en a beaucoup plus dans la région où la Terre se rend. Et si j'y pense, ou si j'ai le temps, ou si ça vous va à un moment donné, j'expliquerai un peu plus ce qu'est le temps. Comprendre de quelle façon c'est chronométré. Parce que le temps, comme vous le connaissez, ça n'existe pas. Lorsque la Terre pénètre dans ce faisceau d'énergie, le faisceau passe un peu en avant. Lorsque la Terre se rapproche, certains rayons de ce faisceau sont déviés parce qu'attirés par l'évolution mentalo-supramentale du plan terrestre, en l'occurrence du Québec ésotérique qui porte le nom K-E-B-E-K et qui se lit d'un sens comme dans l'autre. 1969, les faisceaux commencent à être déviés. D'une façon extrêmement infime parce que presque aucun corps physique sur le plan terrestre peut recevoir ces faisceaux sans en mourir. Plus l'évolution avance, 69, 70, 71, 72, etc., 86, plus cela avance, plus notre Terre et notre Soleil avancent et pénètrent. Plus cela avance, plus les faisceaux divergent et viennent énergiser le plan terrestre. Au fur et à mesure de l'évolution, donc de l'avancement de notre Terre dans le plan supramental, il y a de plus en plus d'humains qui en bénéficient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette énergie ici aura une tendance majeure lorsque la Terre traversera ce faisceau d'énergie à énergiser que les régions, et tout ce qui est supramental aura une tendance majeure à rester terrestre, à ne pas traverser pour ne pas être matérialisé. C'est ce qu'on appelle les foudres de Dieu. Regardons la Terre, nous voyons que dessus la Terre, il y a des hommes. Une chose peut-être importante à comprendre, c'est que la Terre a un axe, disons, de 24 degrés par rapport au Soleil. Et donc, la lumière du Soleil, lorsqu'elle frappe la Terre, coupe la Terre en deux. Ici, c'est éclairé, ici, c'est obscur. Mais l'axe de rotation, il est comme ça, 23 degrés. Ici, il y a le pôle Nord et le Québec ésotérique. Lorsque la Terre arrive dans cette région solaire, disons stellaire, les rayons du Soleil touchent presque plus le plan planétaire. Les vaisseaux supramentaux, eux, par contre, l'abordent de plein fouet. Lorsque la Terre est éclipsée par le Soleil, il y a donc un repos au niveau supramental. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars sont le temps où le plan terrestre reçoit le plus d'énergie supramentale, non solarisée, donc non colorée par le mental de notre création. On a toujours parlé que l'astral était coloré par que le supramental était coloré par l'astral de l'homme. Mais il est aussi coloré par le plan mental de notre Soleil. Présentement, novembre à mars, on rentre dans un déploiement supramental de plus en plus grandiose. Et au fur et à mesure de l'évolution des années, la période hivernale sera la plus dense et sera de plus en plus dense au niveau énergétique. Jusqu'en 1997, où le faisceau supramental aura été traversé par notre plan terrestre et il ne restera pendant un laps de temps à l'échelle de la planète que ceux qui auront un contact pur, qui, eux, auront donc la possibilité d'avoir un double éthérique, donc d'avoir la possibilité d'un transport séraphique, leur permettant de toujours rester en contact avec le plan galactique, donc de l'intelligence supramentale, tout en restant sur une planète Terre qui tend à s'éloigner pour un laps de temps très minuscule de ce faisceau se rapprochant d'un autre faisceau beaucoup plus dense. L'énergie supramentale descend. Et descendant à l'échelle de notre planète, est là de l'attraction pour certains humains. Si on a des hommes qui sont astralisés, qui ont peut-être un intellect, peut-être pas, les faisceaux supramentaux tendent à vouloir revenir sur le continent québécois. Continent, oui, Québec, K-E-B-E-K, toujours, et non pas la province de Québec. Et toutes les énergies supramentales qui passent à côté ne sont pas récupérées par personne. L'astral est de plus en plus au courant de ce que l'être humain fait avec l'énergie supramentale, ce qu'on appelait anciennement l'énergie cosmique. Étant au courant, l'astral rejette de moins en moins le contact supramental, laisse ce contact, cette énergie pénétrer l'astral, le monde des morts, laisse le plan supramental laisser une trace dans le monde des morts, ce qui équivaut de la mémoire, donc de l'expérience. Et l'astral va maintenant pouvoir se servir de plus en plus du contact de Dieu avec l'homme. Et évidemment, elle va s'en servir contre l'homme. Au fur et à mesure que l'énergie descend, c'est de l'énergie qui évolue. Pendant presque 15 000 ans, la planète Terre a été laissée à elle seule. Seules quelques traces d'énergie supramentale et les mémoires de celle-ci, étant donné que la Terre était dans une phase d'expansion, donc d'involution. Seules quelques traces d'intelligence ont pu être aperçues et sont encore mémorisées à l'échelle de notre Terre, dans l'histoire. L'énergie qui descend passe par un plan supramental. Lorsqu'elle descend, elle pénètre, lorsqu'elle approche de l'homme, d'un plan mental elle devient astrale, elle devra devenir vitale et devra devenir matière. Lorsque l'homme la tire du plan supramental, elle peut être supportée par le mental de l'homme, alors elle n'a pas besoin et elle n'aura pas à devenir matière. Parce que le plan mental est déjà supporté par de l'astral, supporté par du vital, supporté par de la matière, autrement dit, supporté par l'homme. Mais partout sur notre terre où il n'y a pas d'homme, d'homme nouveau, d'homme transitif, de personne capable de supporter le poids de l'intelligence, l'intelligence doit devenir mentale. Si elle n'est pas supportée à ce stade, elle deviendra astrale. Mais quel ordre d'astral? Elle pourra créer de l'astral, disons, apparemment intelligent. C'est ce qui va faire en sorte, au fur et à mesure que l'énergie descend ici, l'homme monte ici. Lorsque l'homme n'a pas de plan supramental, lorsque l'homme n'a pas de plan mental, lorsque l'homme n'a qu'un plan intellectuel ou astral, toutes les formes d'énergie qui sont au niveau mental, intellectuel-mental, astralo-mental, ne touchent pas et ne perturbent pas l'évolution de l'humain. Bienheureux les cons. Lorsque l'être humain monte à ce niveau-ci, les parties évolutives de Dieu qui sont au même niveau que lui viennent l'agresser. Plus l'être humain évolue dans le contexte planétaire, plus il rencontre des énergies de plus en plus puissantes qui recherchent du pouvoir et qui veulent s'asseoir sur l'homme, posséder l'homme pour ne pas avoir à évoluer, tandis que leur rôle fondamental est d'involuer. Au fur et à mesure que l'humanité crée son ascension, Dieu poursuit son involution. L'énergie supramentale dans le contexte terrestre involue donc. Involuant, elle vient à un moment donné toucher l'homme. Mais l'homme est de plus en plus touché rapidement parce que l'homme évolue d'une façon ascendante. Donc l'homme aussi va rejoindre Dieu, ou l'énergie espritisée. Partout où l'énergie espritisée ou supramentale ou intelligente descend là où il n'y a pas d'homme pour la recevoir et la recueillir, on assiste à la création d'entités involutives, lucifériennes en ce sens qu'elles veulent bloquer leur involution, elles veulent posséder l'humain pour pouvoir évoluer. Maintenant, de quelle façon pouvons-nous posséder l'homme? L'énergie de l'intelligence n'a pas accès directement à l'homme parce que l'homme n'est pas assez intelligent. L'homme qui est suffisamment intelligent ne peut pas être manipulé par l'énergie qui descend. Alors, il y a une seule chose, c'est que l'énergie involutive du plan supramental ne doit et ne peut faire autrement que de s'emparer du monde des morts, donc du ciel, et à partir de ce ciel, régir tout ce qui est ordonnable dans le ciel pour pouvoir distribuer ces choses ordonnables, pour les missionner, les répartir sur l'échelle de notre planète et les envoyer manipuler l'homme. C'est ce qu'on appelle aussi les armées de la bête. Lorsque nous parlons de Dieu et des armées de Dieu, les armées de Dieu sont des personnalités hautement spirituelles qui ne pourront pas être absorbées par le choc involutif du plan supramental dans le monde des morts. Et ces entités hautement spirituelles qui resteront eux aussi missionnées, mais missionnées non pas par le plan des morts, du moins non pas par le plan involutif du monde des morts, mais elles resteront missionnées par le plan évolutif du monde des morts, c'est-à-dire que tous ceux qui, à un moment donné, auront comme croyance, comme religion ou comme adoration l'homme nouveau, ceux-là feront partie des armées de Dieu. Ils n'auront pas plus d'intelligence que les armées de la bête, mais l'intelligence ne se bat jamais. Jamais. Les armées de Dieu vont perdre. Pas suffisamment nombreux et surtout trop individualistes, sans conscience, donc sans intelligence, ce qui va carrément les empêcher de se coordonner dans un travail d'ensemble parce qu'elles refuseront philosophiquement toute collectivisation. Les forces évolutives se battent. Grimpent sur les forces spirituelles hautes, les massacrent ou les englobent. Un temps de paix apparaît pendant quelques années, Et les forces involutives, qu'on peut aussi appeler pour peut-être ajuster les forces du mal, ou les forces d'involution, vont s'entre-déchirer à leur tour entre eux. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre. Dans les forces d'involution, il y a le bas, le très bas, le très très très bas, le moyennement bas, le plus haut. Donc, des paliers, des différenciations de potentiel. Il y aura donc des guerres et les forces du mal s'entre-déchireront et s'entre-détruiront eux-mêmes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les forces du mal, les forces involutives, à un niveau particulier de la révolution, on a le ciel. La couche très supérieure à ce ciel est à peine altérée par l'intelligence qui descend et ne peut presque pas être involuée. Ça fera partie de l'armée de Dieu. Tout le reste fera partie de l'armée de la bête. Donc, évidemment, pourra assujettir le reste du ciel, va lutter contre ce ciel, nous laissant le temps à l'homme nouveau, la possibilité de pouvoir faire un travail. Un travail fondamental, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'humains capables de recevoir de l'énergie, afin qu'il y ait de moins en moins d'énergie libérée pour aller nourrir le plan évolutif du monde de la mort. Autrement dit, plus il y aura d'humains évolués, plus il y aura d'humains conscientisés, plus il y aura d'humains pluggés, moins il y aura de merde et moins il y aura d'apocalypse, moins il y aura de problèmes, puis moins ça va durer longtemps. Pourquoi? Pour la simple raison que l'énergie de l'intelligence, elle a de la puissance. Lorsqu'elle descend dans le monde des morts, elle a du pouvoir. Lorsqu'elle a du pouvoir, ce pouvoir ne peut pas être connu d'elle, sauf si elle l'expérimente, parce qu'elle fait maintenant partie du monde de l'expérience, le monde de la mort. Pour l'expérimenter, pour pouvoir savoir qu'elle a du pouvoir, elle doit donc assujettir l'homme à l'échelle de notre planète. Plus il y aura d'humains qui vont être capables de faire en sorte que le plan supramental transcende les mondes parallèles de la mort et vienne s'assujettir à lui, moins il y aura d'énergie pour pouvoir dynamiser le ciel, donc moins il y aura d'énergie pour venir lutter contre la partie spirituelle du ciel, donc moins il y aura d'énergie pour pouvoir venir lutter contre celui qui sera connecté. Il est évident que toute question d'énergie, l'homme nouveau va gagner. Le problème n'est pas de savoir si on va gagner ou non. Le problème est de savoir, le problème réel, si on veut regarder cosmiquement, de toute façon, que je le dise, que je ne le dise pas, ça ne changera rien, les choses seront comme elles devront être. Mais si j'en parle, c'est parce que ça devait être dit. Et parce que j'en parle, parce que ça devrait être dit, ça va donc instruire l'astral, et ça va aussi instruire peut-être certains d'entre vous, et d'autres qui ne sont pas ici, du travail fondamental de l'homme. À l'échelle de la Terre. L'homme a une raison d'être au niveau cosmique. J'en ai déjà parlé. On pourrait revenir aussi. Mais l'homme a un travail au niveau planétaire à faire avant son travail cosmique. De toute façon, faisant le travail planétaire, il fait automatiquement le travail cosmique. Plus il y aura d'humains qui pourront recevoir de l'énergie, plus il y aura d'humains qui auront accès à la mentalisation supramentale, moins il y aura d'énergie pour nourrir le monde de la mort. Les énergies, c'est ce que je voulais dire, juste avant de vous parler de ce ciel. Les énergies basses du monde de la mort ont un processus d'involution. Ils descendent. Évidemment, pendant un laps de temps, lorsqu'il n'y aura pas suffisamment d'humains à potentiel de contact sur le plan terrestre, l'énergie supramentale servira à nourrir le plan du monde de la mort, donc deviendra expérientiel, partant de l'existentiel, et même si le monde de la mort évolue lentement, il sera toujours nourri par le haut, par l'intelligence supramentale, qui n'a pas le choix d'être absorbé par autre chose que le monde des morts. Le poids de l'énergie supramentale dans le monde de la mort va faire en sorte que cela va obliger l'enveloppe séraphique, le périsprit de l'âme terrestre, à devoir gonfler pour pouvoir ramasser le plus possible d'énergie entre la matière de notre Terre et l'enveloppe périsprique du ciel du monde des morts. Le problème, c'est que la Terre s'en va dans un faisceau massif d'énergie supramentale. Cela veut dire que s'il n'y a pas suffisamment d'humains, l'énergie, quand même, voudra être absorbée par le plan terrestre, parce que c'est sa selle, disons que c'est son salut. Il voudra remplir ce plan ici, le ciel, il y a le plan moron-ciel entre les deux. Et l'énergie supramentale voudra remplir ce réservoir qui, lorsqu'il sera complètement plein, devra s'étendre. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le plan supramental va remplir le ciel, il va écraser le plan moron-ciel vers le bas. et il va vouloir étendre le plan des morts vers le haut. L'énergie séraphique qui contient le monde des morts est de l'énergie vitale qui vient du plan moronciel. Écrasant le plan moronciel vers le bas, évidemment, il y aura des cataclysmes, il y aura des catastrophes, il y aura des maladies sur le plan terrestre. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop d'énergie vitale qui ne pourront pas être absorbées par les corps physiques de tout ce qui existe au niveau de la vie. Cela va engendrer, évidemment, des problèmes. Ces problèmes vont nécessiter un apport d'énergie vitale, ce qui va limiter l'extension vitale au niveau du ciel, empêchant la création d'un séraphin relativement solide. Cela voudra dire qu'à un moment donné, s'écrasant l'un dans l'autre, le monde du ciel ne pourra pas évoluer parce qu'il n'aura plus suffisamment d'énergie séraphique pour pouvoir agrandir son enveloppe. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver simplement que le plan du monde de la mort va être écrasé carrément par le plan supramental. Et si on ne peut pas agrandir vers le haut, on va écraser vers le bas. Il va manquer d'énergie vitale dans le plan moronciel. Et pour pouvoir combler cela, tout ce qui est bassement astral dans le monde des morts, ce qu'on appelle satanique, va devoir devenir de l'énergie vitale. Donc, l'humanité s'en va dans ce contact vers l'intelligence, vers une évolution terrestre de plus en plus catastrophique au niveau des malheurs et des problèmes que l'humanité a peur, pour la simple raison que le poids de l'intelligence supramentale ne pouvant être absorbé par l'homme sera absorbé par le monde de la mort. Absorbé par le monde de la mort, cela va faire en sorte que le monde de la mort va baisser en vibration. Baissant en vibration, il va évidemment perdre sa conscience spirituelle. Perdant sa conscience spirituelle, il ramasse une conscience animique. Donc, les humains reliés au monde de la mort vont être des humains qui n'auront plus de problèmes à tuer, qui n'auront plus de problèmes à violer, à brûler, à détruire, qui perdront leur conscience évolutive d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'évolution de notre univers, pour l'instant, les humains la grande majorité des humains qui ont apparemment une conscience évolutive, la perdront un jour pour devenir presque des animaux. Et là, ils vont être capables, c'est-à-dire qu'ils vont être assujettis et assumés par le monde de la mort. Lorsqu'une personne te dit « peut-être que je ne devrais pas faire ça », elle est dans un plan vibratoire particulier. Lorsque le plan supramental ne peut plus être accueilli par l'homme et n'a pas le choix de pénétrer le monde de la mort parce que c'est le seul endroit qui peut le recevoir, évidemment, ce qui va arriver, c'est que le poids va faire baisser la vibration de notre individu. Il pense que peut-être qu'il ne devrait pas tuer. Baissant en vibration sous le poids d'intelligence, il pense que peut-être qu'il devra tuer. Après ça, baisser encore, il est sûr qu'il peut tuer. Et baisser encore, il tue, mais il ne sait plus. Lorsque l'homme pénètre le monde des morts dans ses conditions au niveau astral, il n'y a plus de place pour l'âme dans le monde de la mort. Je parle des années à venir, donc je parle d'ici à l'an 2020. Il n'y a plus de place dans le monde de la mort, alors les personnages qui vont mourir seront immédiatement restitués à l'échelle de notre Terre. Cela veut dire qu'une personne qui meurt va dans le monde de la mort, il n'y a pas de place, elle revient dans son corps. Le corps est mort, le corps revient à la vie. La personne n'est plus tuable. C'est ce qui a fait dire aussi à l'Apocalypse de Saint Jean que les gens qui voudront mourir ne le pourront pas. Ceux qui voudront mourir ne pourront pas mourir. Ils ne pourront pas aller plus de place. Ils vont rester sur terre. Une partie d'entre eux vont rester en plein moronciel, mais c'est autre chose. Ça va simplement rendre un peu plus fantasmagorique les temps à venir. Toute cette mécanicité est essentielle et comprenable. Il n'y a pas suffisamment d'humains pour pouvoir recevoir le plan supramental et on pénètre dans un faisceau majeur. Plus il y aura d'humains qui seront conscients, plus il y aura d'humains conscientisables, plus il y aura de diffusion de la connaissance à l'échelle de notre Québec pour commencer, étant donné qu'on est ici, commençons par où ce qu'on est, plus ces choses-là seront facilitées. Une autre chose importante. Le monde de la mort est toujours égrégoriennement relié, archétypé aux régions telluriques qui l'ont vu naître. Cela veut donc dire que sur notre plan terrestre, la partie du Québec a un égrégore qui est constitué, qui constitue un monde de la mort particulier. Tandis qu'ailleurs, sur la planète, on a d'autres parties du ciel, parce que le ciel, on le dessinera, mais le ciel est extrêmement aléatoire. Les mondes de la mort ne sont pas tous les mêmes partout. C'est-à-dire que lorsque vous mourrez, vous ne rencontrez pas des islamiques, des bouddhiques. Vous ne rencontrez pas ce genre de monde. Vous rencontrez des personnes qui sont catholiques, comme vous. Ou comme... qui sont autre chose que catholiques. Bon. Lorsque l'être humain Lorsque l'être humain du Québec évolue dans sa conscientisation, il absorbe une grande partie de l'énergie supramentale qui tient à se diriger vers le plan terrestre. D'où évolution plus massive au niveau du Québec. D'où, surtout, gros rabaissement de possibilités cataclysmiques. Toujours que ce n'est pas le Québec politique, mais que c'est le bouclier canadien au complet qui ramasse donc 3/4 du Canada. C'est un 2/3. À l'instant où l'être humain du Québec est capable de recevoir de plus en plus de potentiel énergétique, les guerres et les apocalypses se feront sur d'autres terres. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que 90% des armées de Dieu seront constituées par les Américains, par les États-Unis d'Amérique. Les Américains sont un peuple magistral, un peuple de constructeurs, un peuple qui exprime l'énergie créatrice d'une façon assez grande. Leur coloration grégorienne s'étend un peu partout sur la planète, ça on le sait. Elle régit différents peuples, dont le Japon, une partie de l'Europe et évidemment le Canada. Les Américains sont ceux qui vont lutter le plus contre les forces d'involution, donc contre les forces appelées du mal. Et ils ne pourront pas gagner. Ils ne pourront pas gagner seuls. Quand je dis que l'armée de Dieu un jour sera détruite, elle sera anéantie en ce sens qu'elle n'aura plus de pouvoir d'armée. Et juste à ce moment-là, le poids du monde de la mort sera suffisamment pesant au niveau de l'expérience qu'il commencera à s'effondrer, devenant de l'énergie vitale, restaurant la planète. Et c'est là que les êtres nouveaux, à l'échelle de notre planète, mais surtout à l'échelle du Québec, Québec ésotérique, c'est là que l'homme nouveau pourra s'allier et s'alliera d'une façon ésotérique et d'une façon politique et d'une façon exotérique aux armées de Dieu, c'est-à-dire au peuple américain. Il est déjà d'une importance capitale, évidemment, de pouvoir parler le langage de l'Amérique, l'anglais. Et il reste d'une importance capitale de pouvoir continuer à parler le français. L'évolution des temps qui viennent font toujours peur à l'humain, à l'ego de l'homme. Parce que l'ego, dans cette voie, ne voit pas du tout comment elle pourrait contrôler quoi que ce soit. Et effectivement, l'ego ne contrôlera rien. L'ego sera régi soit par le monde de la mort, soit par le monde de l'esprit. Le plan supramental ajusté à l'homme. Plus il y aura d'humains qui seront conscients, plus il y aura d'humains qui auront la faculté de comprendre ce qu'est l'homme nouveau, plus il y aura d'humains qui auront reçu une diffusion au niveau de l'homme nouveau, au niveau de la conscience nouvelle. Présentement, il n'y a pas grand monde au Québec qui diffuse. Il y en a deux. Alors, disons qu'il y en a deux massifs, et il y en a plusieurs. Il n'y en a pas beaucoup. Cela va grandir, cela va s'étendre. Plus il y aura d'humains capables de recevoir de l'énergie supramentale, moins il y aura d'énergie supramentale qui devra être astralisée, mortifiée, pour servir le bas. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire et qui était le temps aussi d'annoncer à l'astral, au monde des morts. Parce que le monde des morts, comme vous, ne sait pas comment l'apocalypse va venir. Parce que si le monde des morts le saurait, vous le sauriez, étant relié à celui-ci. Lorsque l'apocalypse, lorsque Jean a été sur l'île de Patmos, il n'a pas prophétisé, il a parlé mathématiquement d'une chose qui s'était déjà vue sur une autre planète et qui a carrément été un fiasco. À l'échelle de notre Terre, il y a une différence majeure, il y a de l'homme. Alors, ce ne sera pas un fiasco. Lorsque Jean a exprimé ces choses, il a appelé cela des révélations du passé. Dans les termes de son époque, cela portait le nom d'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation présente ou passée. Il a révélé ce qui s'était passé. Pas sur l'échelle de notre planète, mais ce qui s'était passé. À l'échelle de notre planète, c'est facile d'en conclure la conclusion pour la simple raison qu'il y a l'homme. Étant donné qu'il y a des réceptacles suffisamment puissants pour contenir de l'énergie supramentale et qu'il y en aura de plus en plus, l'homme va évidemment gagner. Si vous voulez employer le mot gagner pour vos égos. Dans ces temps de problèmes, les femmes ne devront pas enfanter. Le monde de la mort est suffisamment bas en vibration dans ces temps. Aujourd'hui, le temps n'est pas commencé. 97, dans 10 ans d'ici, les temps vont être assez avancés. Pourquoi ne pas mettre d'enfants au monde? Demandez à un astrologue, après ce que je viens de dire, quelle sera la puissance colorée de l'astral. Et lorsque l'esprit doit traverser le monde de la mort, danse comme il va être. L'enfant qui va naître va être un enfant qui n'aura qu'une seule idée dans la tête, tuer et détruire. Et les enfants tueront souvent leurs parents. Oh, c'est pas tout de suite. On parle encore d'une dizaine d'années. Encore le temps. Ça va durer quelques 10 à 12 ans. Cette mécanicité, le temps où il ne devra pas y avoir d'enfantement, ou comme dit Jean, malheur à la femme qui portera un enfant. Je vous dis cela non pas pour vous épeurer, parce que je ne m'adresse pas à votre ego. Je sais de toute façon que lui, on peut le faire chier facilement. Histoire que votre mental et histoire en même temps que les plans astro sachent que quelque part sur la planète, quelqu'un sait de quelle façon le processus va s'opérer. L'évolution de l'homme n'est jamais régie par l'homme. L'évolution de l'homme n'est non plus régie par le plan de la mort, sauf que dans l'apparence terrestre des choses, le plan de la mort régit l'évolution de l'homme. De quelle façon pouvons-nous arriver à conscientiser l'énergie supramentale de façon à en recevoir une dose suffisamment grande pour pouvoir amenuiser l'énergisation du monde de la mort par les plans de l'esprit qui descendent? Évidemment, si vous posez la question clairement, est-ce que l'énergie supramentale va servir le monde de la mort? Non. Est-ce que le plan supramental va servir l'évolution de l'homme? Non. Parce que lorsque le plan supramental se rapproche du plan terrestre, il perd sa consonance supramentale. Il devient mental. Il devient astral. Alors, l'énergie supramentale qui est devenue astrale n'est pas de l'énergie supramentale. Lorsque vous mangez du pain, c'est du pain. Lorsque vous chiez du pain, c'est pas du pain. Mais c'est la même chose. On ne jette pas du pain dans la toilette. On jette d'autres choses dans la toilette. Mais c'était du pain, avant. L'énergie supramentale, donc, jamais ne servira le monde de la mort. Sauf que le plan supramental, digéré, transformé, humanisé, terrestrifié, n'est plus de l'énergie supramentale. C'est de l'énergie astrale, c'est de l'énergie du monde de la mort. Et c'est cela qui va servir le monde de la mort. La mort se sert d'elle-même. Alors ne posez pas la question, comment ça se fait que le plan de l'intelligence servira le monde de la mort? Ça ne servira jamais le monde de la mort. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'humains, l'énergie supramentale est attirée par notre globe terrestre, parce que dans cette galaxie expérientielle, il n'y a que le plan terrestre qui a la faculté de pouvoir recueillir du plan supramental et l'intelligence supramentale, même si dans l'apparence des choses, cela engendre des apocalypses, c'est très bien qu'elle n'a qu'une seule solution pour l'instant, être récupérée par notre globe terrestre. Apocalypse ou non, tout va se finir de la façon dont cela doit se finir, par un âge d'or, par un millénium qui durera quelques 13 000 ans. L'humain, évidemment, pendant cette époque, va changer. On parle de l'âge d'or, 13 800 ans. On parle de, par la suite du 13 800 ans, un autre âge d'argent. Faut pas se leurrer. Un jour, ça va finir. Et ce jour est proche. Ce jour porte une numérologie qui est un peu plus que 13 000 ans. Alors, c'est proche. L'homme qui a un double éthérique, l'homme, l'humain, qui s'anégoïse, vit au niveau du plan moronciel. Et il aura à lutter dans le monde moronciel. C'est une chose sur laquelle je vais revenir à un autre moment donné. Ce que vous devez comprendre, c'est que, premièrement, à l'échelle du Québec, je dis cela pour vos égaux, c'est qu'à l'échelle du Québec, il n'y aura presque jamais de guerre. Parce que les Américains vont nous voir suffisamment capitalistes, les communistes vont nous voir suffisamment communistes, ils nous laisseront en paix. Le bouclier canadien ne vibre jamais sous aucun tremblement de terre. Montréal n'est pas sur le bouclier canadien. Il est sur une faille sismique. Encore plusieurs années séparent l'instant d'aujourd'hui de l'instant où l'homme devra migrer vers le bouclier canadien. Alors, il n'y a pas de panique. Mais c'est le temps qu'on commence à parler de certaines choses qui devront être faites. Je ne peux pas aller parler de ces choses à la radio. Pourtant, il y a des humains qui devront un jour se réveiller et commencer à faire des choses. Des humains qui devront faire des choses. Des choses qui iront en résonance avec eux, cela va de soi. Pas des humains qui vont se missionner. Des humains qui, depuis un bout de temps, ont comme le feeling, le sentiment énergétique. Mais à un moment donné, il faudra que ce sentiment énergétique puisse commencer à être exprimé, qu'il le signe dans la matière. 1987, énergétiquement, commence le 4 novembre 1986. Il y a donc des choses qui doivent commencer à être faites dans des conditions énergétiques plus adéquates. C'est pourquoi on m'a suggéré de faire peut-être la prochaine conférence spéciale dans les Laurentides et de la faire une journée entière. Peut-être que cela va se faire si c'est le temps. Peut-être que cela ne se fera pas si ce n'est pas le temps. Moi, je vais donner le Laurentides quand ça me tente. Mon temps est là. Le problème, c'est que il faut suffisamment d'individus pour pouvoir financièrement baisser les coûts et faire des choses. Donc, ça va dépendre surtout de vous. Et je ne dis pas ça pour que vous vous sentiez coupable. Si vous n'avez pas le feeling, on ne le fait pas. Ici, on a le feeling, on le fait. C'est tout. Ça, c'est une chose, c'est que l'évolution ne prend jamais de retard. Ce qui doit être fait est fait. Quand ça n'est pas fait, égoïquement, on peut se dire, oui, mais si on l'aurait fait, ça aurait été mieux. La question est carrément stupide parce qu'on ne l'a pas fait. Alors, on ne peut pas dire si on l'aurait. C'est de parler sur rien. Ça n'est pas un fait. On peut dire aussi, si on l'aurait fait, on serait cassé la gueule. Lorsque l'on fait une chose et que c'est le temps, tout va. Lorsqu'on fait une chose, c'est toujours le temps. Lorsqu'on ne la fait pas, c'était le temps de ne pas la faire. Alors, il ne faut pas que personne se sente coupable. Il faut que tout le monde se sente libre. L'évolution de l'homme est terminée. L'évolution de l'homme est terminée depuis 1997 ans. L'évolution de l'homme est donc commencée. Sauf que, je vous le répète, les énergies qui poussent l'homme à évoluer, lorsqu'elles ne sont pas récupérées par de l'homme, elles sont récupérées par de l'âme. Lorsqu'elles sont récupérées par de l'âme, elles sont astralisées, mortifiées. Et c'est cela qui va créer des animaux, des êtres humains, des entités, des pouvoirs, de plus en plus puissants, une puissance que l'humanité n'a jamais connue, parce que l'humanité n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Et à travers cela, l'homme qui aura résisté contre cette puissance est un homme nouveau, un homme qui n'a jamais existé sur le plan terrestre, un homme qui n'a jamais eu la puissance, comme il l'aura. Je suis convaincu que, après 5 ou 10 minutes de désénergisation, vous aurez des questions. Une chose importante, c'est que vous devez transposer tous vos peurs en questions. C'est important parce que sinon, vous allez laisser votre ego s'accaparer des choses que j'ai dites. Nourri par le monde de la mort, vous allez vous laisser manipuler et assujettir par des maudites niaiseries. Lorsque l'homme a peur de quelque chose, c'est que l'homme se fait manipuler par des forces imbéciles, par des forces d'imbécilité. L'homme reste intégralement intelligent, mais l'homme ne l'exprime plus. C'est toujours faussé. C'est comme celui qui pleure quand quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui l'aimait meurt. Il pleure pour le mort. Où il va, le mort? Dans un monde meilleur. Pourquoi tu bois, est-ce-tu niaiseux? S'il s'en va dans un monde meilleur, danse, rit, joue, fête, ne broye pas. Mais l'humain broye, l'humain recouvre son cortège funéraire de noir, puis l'humain se promène à côté. Puis l'humain expose le mort pour pouvoir aller jouer un peu plus longtemps des souvenirs que le mort va pouvoir ramener chez lui. Il va le têter une dernière fois. Puis après ça, il l'enterre. Parce qu'il n'y a pas le choix, s'il ne l'enterre pas, le mort va pourrir là. Lorsque l'homme a peur et qu'il intelligencie sa peur, ça marche. Lorsque l'homme intellectualise sa peur, il donne des raisons à sa peur. Lorsque l'être humain intellectualise le fait qu'il pleure pour un mort, il se donne des raisons. Lorsqu'il l'intelligencie, il découvre qu'il broye pour lui. Alors, pour tout ce que j'ai dit, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aussi possible que vous soyez suffisamment énergisé pour ne pas connaître la peur. C'est possible. Il n'y a aucun danger. Pourquoi? Parce que les choses seront ce qu'elles seront. Si je veux être précis, les choses seront ce qu'elles sont. Parce que ce que je vous ai parlé d'aujourd'hui, ce n'est pas de l'avenir, c'est du présent. C'est un présent que votre conscience ne foule pas. Un présent que votre conscience va fouler lorsque votre mémoire aura accumulé encore 10 années de vie terrestre. 10 ou 15 années de vie terrestre. C'est un présent que vous ne pouvez pas fouler parce que votre mémoire manque de nourriture. Lorsque votre mémoire aura 10 ou 15 ans de vie terrestre de plus de nourriture, votre conscience foulera ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Alors, je n'ai pas parlé de l'avenir, j'ai parlé du présent. Pour l'homme normal, pour l'homme ancien et pour l'homme transitif, il peut dire « j'ai parlé de l'avenir ». Cosmiquement, je n'ai parlé que du présent. Le temps n'existe pas. Pourquoi? Pour la simple raison que tout est immédiatement présent. On va y revenir de toute façon à un autre moment donné, possiblement dimanche prochain, enfin dimanche dans un mois. Ça, c'est un cercle. Le cercle existe en même temps. Si vous regardez le point qui est ici, les autres points existent quand même. Et si vous regardez le point ici, le point que vous aviez vu ne fait pas partie du passé, il est toujours dans le présent. Il est ici, mais vous regardez là. La conscience de l'homme étant fragmentaire, elle change d'un plan à un autre. Et cette évolution de conscience sur un temps qui est immuable, instantané et qui n'a jamais connu ni présent, ni avenir et ni passé, lorsque la conscience de l'homme évolue là-dessus, il appelle ce qui va venir l'avenir, il appelle ce qui est derrière lui le passé, et il appelle là où il est le présent. Et lorsque l'humain se souvient, il garde 80% de sa conscience ici, et il prend 20% de sa conscience, et il retourne voir en arrière, et il dit, tiens, je me souviens que. Il fait un voyage dans le temps. Et il y a différentes façons de colorer et de déchirer et de défaire ce voyage dans le temps. Parce que l'être humain essaie de voir ce qui est en avant ici. Le problème, c'est qu'il met 10% de sa conscience ici et 10% de sa conscience en arrière, colorant donc de cette façon son avenir, l'émotivisant et créant une vision de l'avenir qui n'a rien à voir avec la réalité. Vous allez continuer à avancer au niveau de la conscience. Lorsque l'être humain rentre en contact avec une conscience supramentale, le champ de sa conscience grandit. Son présent, pour lui, fait partie de ce qui, 10 ans en arrière et 10 ans dans l'avenir, existe pour l'homme ancien. L'instantanéité du présent pour un homme ancien, vous allez peut-être dire, ben c'est tout de suite. L'homme nouveau pourra dire, c'est tout de suite aussi. Mais dans ce tout de suite, il englobe 20 ans. Lorsque la conscience de l'homme nouveau devient fusionnelle, il englobe tout ce temps galactique dans un instant. Alors, évidemment, il ne peut plus parler d'hier ou de demain. Il parle de plus loin. Le temps est géostationnaire. Dans l'espace, le temps ne bouge pas. Et le temps est spatio-stationnaire. Dans le temps ne bouge pas. Ce qui a à arriver parce que c'est déjà arrivé. La limitation de votre cerveau ne peut pas normalement vous permettre d'englober clairement la mécanicité de l'instantanéité de l'avenir, du passé et du présent. Ce qui oblige l'humain à élaborer une théorie conceptuelle de l'avenir, du passé et de l'idée de l'immédiat. Il y a autre chose, c'est que l'humain tourne sur le temps. La conscience de l'âme évolue d'un fragment de temps sur un autre. Et dans l'illusion d'égocentricité de l'ego, il a l'impression que lui ne tourne pas, mais que le temps coule. Le temps avance. Le temps passe. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le temps qui passe. C'est l'homme qui passe dans le temps. Étant donné que l'homme centralise son évolution sur le fait qu'il a l'impression que le temps passe, mais que lui ne bouge pas, l'homme perd complètement la consistance de son évolution adaptative et améliorative. L'homme perd complètement la consistance que lui, à chaque milliardième d'instantanéité, est quelqu'un d'autre. Parce que sa conscience a changé de plan de vision. Lorsqu'une personne vieillit, c'est lorsqu'elle veut regresser vers l'arrière. Lorsqu'elle ne veut plus avancer dans le plan temporel de la conscience, mais qu'elle veut plutôt retourner vers l'arrière. Bloquant sa friction de sa propre conscience sur un temps instantané, elle s'en va. Elle retourne dans le monde de la mort, qui est de l'instantanéité temporalisée. Mais dans un endroit où la conscience de celui qui l'a d'un jour traversée n'est plus en affinité vibratoire avec la conscience de tous ceux avec qui elle l'a traversée. Le monde de la mort, qu'est-ce que c'est? C'est du présent instantané. Mais lorsque vous êtes dans ce que vous appelez vivant, vous vivez en relation avec des entités, avec des murs, des plantes, des animaux, d'autres humains. Et vous avez tous votre conscience placée sur le même temps, disons le même espace-temps. Et parce que tous, on a la conscience placée sur le même espace-temps, on va dire, c'est aujourd'hui. Dans le monde de la mort, votre conscience qui a été placée avec celle des autres sur un espace-temps défini et qui a évolué, donc changé l'espace-temps peut-être à toutes les millionièmes de milliardièmes de seconde. Lorsque un être humain meurt, c'est que la conscience qui a vécu ces choses avec les autres personnes s'en retourne dans le passé, mais elle n'est plus au même stade vibratoire que ceux avec qui elle a vécu ce passé. Alors, elle est dans le monde de la mort. Alors, elle est morte. Et les vivants restent vivants. Pourquoi? Parce que la consonance vibratoire de leur actualité n'est jamais déphasée avec la consonance vibratoire de ce qui s'est passé. Je parle du temps un peu. Pourquoi? Pour forcer les mal de tête. Je parle du temps un peu. Pourquoi? Pour obliger des mutations neurologiques. Parce que je sais que les cerveaux ne peuvent pas suivre ce que je dis. Et je m'ajuste au maximum. Plus ajusté, on ne parle plus du temps. On parle de d'autres choses. Le fait d'obliger le cerveau à expandre sa conscience l'oblige à une mutation neuronique. Je parle donc de la temporalité pour obliger un travail cérébral où on essaye de suivre, mais où on n'englobe pas le phénomène. Le temps tel qu'il est connu par l'homme contient un avenir, un présent et un passé. Le temps, c'est de la matière. Le temps, l'avenir, c'est un lieu où aller. Le passé, c'est un lieu où on a été. Le présent, c'est le lieu où on est. La conscience instantanée nous permet d'englober le lieu, tous les lieux, instantanément. Et là, on découvre vibratoirement le fait qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Lorsque la conscience englobe instantanément la mécanicité du temps, la conscience ne l'englobe pas comme un observateur qui embarque dans une navette spatiale et qui observe la Terre de loin. L'anneau que j'ai dessiné ici, lorsque la conscience de l'homme nouveau l'englobe, il ne l'englobe pas comme vous observez l'anneau. Il fait partie intégrale de l'anneau. Et il arrive à englober l'instantanéité de tout instantanément. Lorsqu'il veut conscientiser son action, son expérimentation ou son existentialisation dans un lieu particulier du temps et de l'espace, étant donné que les deux sont la même chose, il focalise sa conscience un peu plus. Ce qui lui permet à un moment donné d'avoir aussi un corps physique, un corps de lumière. Et de pouvoir agir comme cela devait être fait dans la région où il va aller agir. Lorsque je parle de demain, je parle de 1997, je ne parle pas de l'avenir. Je parle d'un endroit spatio-temporel, donc d'un endroit espace et temps, d'un endroit, d'un lieu, qui porte le nom 1997. Je ne parle pas d'une probabilité, je parle d'un lieu. Il y a différents temps parallèles. Si vous voulez, il y a différentes conceptions ou perceptions parallèles du mécanisme du temps. Ces différentes perceptions font que lorsque l'homme s'identifie à l'une d'elles plutôt qu'à la chose, il crée l'illusion temporelle. Et lorsqu'il crée l'illusion temporelle, il s'assujettit évolutivement à l'illusion temporelle. Et il pense qu'il change, alors qu'en réalité, il ne change pas lui, mais sa conscience change d'endroit spatio-temporel. L'humain n'évolue pas. La conscience de l'homme chemine. Lorsque vous vous voyez de telle façon, vous dites, tiens, je me suis amélioré. Là, vous voyez d'une autre façon, tiens, j'ai décrépi. D'une autre façon, tiens, j'ai un bouton sur le nez. D'une autre façon, tiens, j'ai encore évolué. Et à un moment donné, ah, j'ai encore évolué, tiens, c'est-tu con. Ah, j'ai encore évolué, oui, sauf que la matière reste la même. lorsque l'on prend une bobine cinématographique qui contient 2 heures de projection de cinéma, ces 2 heures sont contenues instantanément dans la bobine. Dans la conscience évolutive limitée de l'homme, il vous faudra un projecteur et un écran, et vous ne pourrez prendre connaissance de la bobine au complet qu'en la laissant défiler sur 200 pieds, disons, sur 2 heures. Mais les 2 heures sont un piétrage. Les 2 heures sont une distance. Les 2 heures sont de la matière. Les 2 heures sont de l'espace. Les 2 heures, ce ne sont pas du temps tel qu'on le connaît. Mais si vous avez un appareil extraordinaire, le problème, c'est qu'il faudrait que vous ayez aussi un cerveau extraordinaire, un cerveau qu'un jour vous allez avoir, un cerveau d'homme nouveau. Vous allez être capable d'englober le film instantanément, les 2 heures d'un coup. Alors vous ne direz plus, ce film dure 2 heures, vous allez dire, ce film est passé. Et quand vous allez dire, ce film est passé, vous allez très bien savoir que ce film n'est jamais passé. Mais tant que l'humain a une conscience très limitée, il doit cheminer sur le film. Une photo, une autre photo, une autre photo. Dans sa tête, il pense que c'est le film qui passe. C'est lui qui passe sur le film. Alors, on va prendre une petite pause de 15-20 minutes. Ceux qui seraient intéressés, je crois que pendant l'entracte, on peut se procurer le livre, La différence. On écrit les questions ou les peurs ou les problèmes si on en a. Et on les amènera en avant.